Dans la vie, y a toujours, des ennuis, des amours, les ennuis, ça dure un jour, les amours, c'est pour la vie, des jours gris, des jours bleus, dans la vie, y a les deux, les ennuis, font les jours gris, les amours, font les beaux jours. Ceux qui s'ennuient n'ont pas d'amour, mais avec l'amour vont les ennuis. Oui, oui, oui, dans la vie, à toute heure, les uns sourient, les autres pleurent. Jean qui rit, connaît l'amour, mais Jean qui pleure, l'attend toujours. Dans la vie, tour à tour, il y a la nuit, il y a le jour, les ennuis, c'est pour le jour, oui mais l'amour, c'est pour la nuit. Ceux qui s'ennuient n'ont pas d'amour, mais avec l'amour vont les ennuis, oui oui oui. Dans la vie, il y a toujours, des tas d'ennuis, mais tant d'amour, les ennuis. Les ennuis, ça dure un jour, oui mais l'amour, c'est pour la vie. Les ennuis, ça dure un jour, oui mais l'amour, c'est pour la vie.